Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un monstre vert. Le scientifique Bruce Banner cherche désespérément un antidote aux radiations gamma qui ont créé Hulk. Il vit dans l'ombre, toujours amoureux de la belle Betty Ross, et parcourt la planète à la recherche d'un remède. La force destructrice de Hulk attire le général Ross et son bras droit Blonsky, qui rêvent de l'utiliser à des fins militaires. J'ai un problème. Il y a certains aspects de ma personnalité que je ne parviens pas à maîtriser. Va voir un psy. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bruce, crois-moi quand je te dis que j'ai tout entendu. Je crois pas, non. On n'a jamais vu un cas d'irradiation à un degré aussi élevé que celui-là. Que vous ayez survécu à un tel accident, ça dépasse mon entendement. Je veux pas le maîtriser. Je veux m'en débarrasser. En ce qui me concerne, le corps de cet homme appartient intégralement à l'armée américaine. Ils veulent se servir de lui comme d'une arme. Si on les laisse faire, il nous échappera. C'est quoi ça ? Il y a une seule chose pour le vaincre et elle est en moi. Peut-être que si j'arrive à la maîtriser, je pourrais m'en servir. L'incroyable Hulk avec Edward Norton, un DVD Fox Pathé Europa.